Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il faut faire attention aux mots. Oui, il est impératif de choisir les mots avec soin, surtout quand il est question de religion. Ainsi, faut-il parler de la naissance, de l'origine ou de l'invention de Dieu ? Naissance. Certains dieux sont effectivement nés, c'est le cas en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, où ce sont des alliances qui font naître les dieux. Chez les Grecs aussi, des dieux naissent. Mais cela implique l'idée de parents, compliqué avec un dieu unique. Parler d'origine d'un dieu, c'est partir à la recherche de sa première apparition, de sa première manifestation. Mais dans les monothéismes, Dieu est éternel, compliqué aussi. Quant à brandir l'invention de Dieu, cela sous-entend une action de l'homme, une création mentale, ensuite imposée en religion, compliquée une fois encore du point de vue des croyants. Disons plus simplement que nous nous intéressons au fait religieux, celui qui nous plonge aux sources de l'humanité, quand des hommes et des femmes se sont mis à adorer un Dieu unique, quand pour eux, il était une fois, il n'y eut qu'une fois. Cette semaine, le cours de l'histoire débute une aventure consacrée à la naissance des monothéismes. Nous commençons avec le judaïsme, entre Bible et histoire, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien podcasté. Et aujourd'hui, nous recevons Mireille Hadas-Lebel. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes professeure émérite d'histoire des religions à l'université de Paris-Sorbonne, spécialiste de l'histoire du judaïsme. Vous avez écrit « Le peuple hébreu entre la Bible et l'histoire ». C'était chez Gallimard, « Une histoire du Messie » chez Albin Michel et récemment « Hérodote » paru chez Fayard. Hérode chez Fayard. Oui. Nous restons dans ce monde autour d'un univers qui nous fascine. Il y a quelque chose de fascinant, Mireille Hadas-Lebel, sur ce monde des origines de la croyance monothéiste. Effectivement, parce que le monothéisme apparaît comme quelque chose de tout à fait singulier et unique dans cet univers antique où toutes les grandes civilisations ont développé une mythologie très abondante avec de nombreux dieux, des généalogies, comme vous le soulignez. Et là, tout à coup, non seulement un dieu unique, mais un dieu qui vous envoie un message, une règle de vie, et qui ne peut pas être représenté. Alors, c'est extrêmement difficile pour la mentalité antique, et ça le restera pendant des siècles, pour ne pas dire peut-être plus d'un millénaire. Plus d'un millénaire, et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle a des rebondissements. Elle a des rebondissements pour l'historien, quand il découvre des documents exceptionnels, c'est qu'à des manuscrits de la Mer Morte. Vous allez nous en parler, oui. Michael Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Actuellement, vous êtes en délégation CNRS au Centre de Recherche Français à Jérusalem et vous avez co-dirigé notamment Qumran, Le secret des manuscrits de la Mer Morte. C'était aux éditions de la BNF et la bibliothèque de Qumran aux éditions du CERF. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Anaïs Quien qui viendra avec sous le bras son journal de l'histoire, Anaïs Quien, qui assure également la programmation de cette émission. Mais pour le moment, rappel des fondamentaux qui se déclinent en textes sacrés, en films, en comédie musicale et parfois en documentaire sur l'ORTF, c'est Moïse sur le Nil. Les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël sous un commandement impitoyable. Ils leur rendirent la vie insupportable par de rudes labeurs, par tous les travaux auxquels ils devaient se livrer, sans merci. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les au fleuve. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour y faire ses ablutions. Elle aperçut une corbeille parmi les roseaux. Elle l'ouvrit et y vit un bébé en larmes. Touchée de compassion pour lui, elle dit « C'est un petit hébreu. » La fille de Pharaon traita le bébé comme un fils et lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai sauvé des eaux. Moïse sauvé des eaux, un extrait d'un documentaire L'Exode dans l'émission Les 100 livres sur l'ORTF en 1972. Mireille Hadas-Lebel, dites-moi, Moïse, inventeur du monothéisme, c'est ainsi qu'on l'a souvent présenté. C'est ainsi qu'on l'a présenté, mais Moïse n'est pas vraiment une figure historique. C'est une figure majeure dans la représentation que se fait le judaïsme et les religions qui en descendent, bien sûr. Mais quant à indiquer sous quel pharaon il vivait, comment s'est passée la sortie d'Égypte, c'est une autre histoire. Mais Moïse, est-ce que donc on peut pas attribuer à un personnage dont on ne sait rien sur le plan historique une invention quelconque. Mais en tout cas, on sait que c'est dans le peuple qui se réclame de Moïse qu'est née cette idée d'un Dieu unique. Et cette idée s'est perfectionnée au fil du temps, parce que ça a pu être d'abord le dieu d'une tribu, le dieu d'un peuple qui s'est formé à partir de ces tribus, puis on parvient à l'idée d'un dieu universel, créateur du monde, et donc qui concerne toutes les créatures, tous les êtres humains sur cette terre. Il y a un événement malgré tout, c'est vrai que Moïse est difficile à dater dans la chronologie, mais le peuple hébreu en Égypte se date. Il y a plus ou moins, on est vers moins 1200, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des événements, il y a une présence des Hébreux en Égypte. C'est en général la date que vous donnez est acceptée parce que sur la stèle d'un pharaon nommé Mernepta, on a une mention d'Israël. Pour la première fois, nous sommes déjà au XIIe siècle, donc on se dit, si exode il y a eu, si sortie d'Égypte il y a eu, eh bien ça s'est passé un petit peu avant, bon, disons 50 ans, 100 ans, on ne sait pas trop. Mais alors, il se trouve que même l'histoire de la sortie d'Égypte a été contestée parce que nous sommes en pleine période critique depuis la fin des années 50, enfin je dirais 70 peut-être plus, on nous semble en pleine période de critique biblique exacerbée qui va très très loin. Tout ce que l'on peut dire c'est maintenant, c'est que la sortie d'Égypte quand même joue un rôle tellement fondamental dans la Bible qu'il est difficile de penser que c'est quelque chose qui a été totalement inventé. D'ailleurs, si vous prenez la dernière publication du professeur israélien Finkelstein, qui l'avait nié pour commencer, il dit qu'il se repent de sa ferveur rebelle, qu'il est allé trop loin. Et il note qu'il y a des prophètes du 8e siècle qui s'y réfèrent. Donc la tradition est déjà vraiment, vraiment constituée à cette époque. Et non seulement les prophètes s'y réfèrent, mais c'est toute la législation biblique qui s'y réfère. Tu honoreras l'étranger parce que tu as toi-même été étranger au pays d'Égypte. Tu te reposeras le jour du sabbat, toi, etc. Et l'étranger qui est dans tes portes parce que tu as été étranger au pays d'Égypte. Donc c'est vraiment fondamental. La plupart des lois sont fondées sur ce souvenir collectif. Mireille Hadas-Lebel, le moment égyptien en fait du peuple hébreu a des conséquences sur des siècles voire des millénaires ensuite. Je comprends très bien ce que vous dites, mais on peut aussi le regarder en arrière, et c'est vrai qu'il y a presque une antériorité du mythe. Je me tourne vers vous, Michael Langlois. Michael Langlois, c'est vrai que ce que l'on peut lire en Égypte peut trouver des sources plus anciennes ailleurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est intéressant de replacer toute cette mythologie, ces récits fondateurs du peuple hébreu dans le contexte du Proche-Orient ancien, à la fois l'Égypte et la Mésopotamie. Et là, on a des parallèles frappants. En Égypte, on a évidemment le célèbre pharaon Akhenaton qui a déplacé sa capitale, a fait un petit peu le ménage entre toutes les divinités qui étaient vénérées pour choisir un dieu unique. Et là, on est à peu de choses près à l'époque de l'Exode, justement. Donc on voit un peu la contemporanéité de ces événements. Et puis à peu près à la même époque, on a également des phénomènes similaires en Mésopotamie, l'Irak actuel, où effectivement on a une sorte de concentration des différents dieux en un seul, à tel point qu'on est capable de donner des noms à ses enfants tels que tous les dieux sont le dieu Ashur. C'est-à-dire le dieu Ashur à lui tout seul, finalement, représente ou incarne l'ensemble des dieux. Donc on a un parallèle extraordinaire avec de ce qu'on peut lire dans la Bible. Mais la différence, c'est qu'ils sont représentés. Si vous prenez le cas de la divinité d'Akhenaton, c'est le soleil, c'est le disque solaire qui envoie ses petites mains généreuses sur l'humanité. Et là, ça, c'est interdit. Avec le dieu des Hébreux, la rupture, pour vous, Mireille Hadas-Lebel, c'est la non-représentation. Oui, c'est ça. Mais oui, alors c'est très intéressant parce que on essaie de dater finalement cette époque à partir de laquelle on cesse de représenter les dieux. Dans la Bible, dans les écrits bibliques parmi les plus anciens, on a aussi des représentations anthropomorphiques de dieux. C'est-à-dire dans la Genèse, quand il est question du mal qui se répand sur la terre, Dieu dit « je vais descendre pour voir si ce qu'on m'a dit est vrai ». Et ça, on peut le lire noir sur blanc aujourd'hui encore dans le livre de la Genèse. Alors évidemment, ça paraît surprenant si on imagine un dieu complètement désincarné, très lointain, qui n'a aucune représentation. On imagine mal que ce dieu doive se déplacer, qu'il doive descendre, qu'il doive voir, qu'il doit confirmer si ce qu'on lui a dit est vrai ou non. Et on se rend compte en fait que donc cette image que l'on se fait aujourd'hui du dieu de la Bible, qui est un dieu qui n'a pas de représentation, pas d'image, en fait c'est une évolution dans l'histoire des religions. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous cherchons à comprendre l'origine du monothéisme et nous voyons bien qu'avec Moïse, il se passe quelque chose sur un dieu unique, non représenté. Pourtant, pour tous ceux qui ont étudié un petit peu la chose ou qui ont croisé un film ou qui ont vu une comédie musicale, nous savons qu'il y a ce moment terrible du veau d'or, de l'idole qui surgit. Est-ce que le peuple hébreu a pu avoir d'autres dieux avant le dieu unique? D'abord, lorsque vous avez un dieu qui est aussi abstrait, qui ne peut pas se représenter, vous avez toujours des risques de rechute, surtout lorsque tout votre environnement adore des dieux qui se représentent. Et le veau d'or, ce n'est pas tout à fait un hasard, ça rappelle le bœuf Apis d'Égypte, bien sûr. Quand est-on arrivé à ce degré d'abstraction et d'universalisme? Beaucoup, dont je suis, pense que ça a été très difficile à admettre. D'ailleurs, on voit même que dans les récits historiques des rois, il y a des rechutes perpétuelles du peuple qui fait comme les autres. Il ne peut pas s'empêcher d'imiter ce qu'il voit autour de lui. Et puis, à un moment donné, il y a l'exil de Babylone qui pose un problème énorme. Est-ce que Dieu est un dieu? Dieu protège les seuls qui l'aient reconnu sur cette terre? Ou non. Donc l'exil doit être interprété comme ayant un sens. Et c'est le châtiment, mais Dieu pardonne aussi, et donc il y aura un retour après l'exil. Ce que vous dites là, Mireille Hadas-Lebel, est essentiel dans cette recherche des origines du monothéisme. La punition ou la non-punition, l'exil ou le peuple sauvé, c'est ce qu'on essaie de comprendre dans le cours de l'histoire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Et justement, nous allons voir que cette dualité a traversé les siècles et elle est entrée dans la littérature, notamment avec Victor Hugo. Victor Hugo qui écrit, alors on est dans les années 1860, La fin de Satan, mais c'est un livre publié à titre posthume en 1886 et qui est lu par l'incroyable Jean Topard. Le mal avait filtré dans les hommes. Par où? Par l'idole. Par l'âpre ouverture que creuse un culte affreux dans l'âme humaine ténébreuse. Cet an noir adorait le spectre Isis Lily, la fille du démon que l'homme eut dans son lit avant qu'Ève apparût sous les astres sans nombre, monstre femme que fit Satan avec de l'ombre, afin qu'Adam goûtât le fiel avant le miel et le baiser du gouffre avant celui du ciel. Ève était nue, Isis Lily était voilée, les corbeaux l'entouraient de leurs fauves volées, les hommes la nommaient Sor, Fortune, Ananke. Son temple était muré, son prêtre était masqué, elle buvait du sang dans le bois solitaire, elle avait des autels effrayants, et la terre subissait cette abjecte et double obscurité, en bas idolâtrie, en haut fatalité. Ah, Victor Hugo, hein, la fin de Satan. Victor Hugo, oui, moi je suis toujours impressionnée par son immense culture théologique, parce qu'il semble connaître non seulement la Bible, mais même des textes apocryphes. Oui. Dans quelle mesure il y a du texte apocryphe dans ce qu'on vient d'entendre? Il y en a, Lilith, etc. Et puis la fin de Satan, enfin qu'on n'a pas cité ici. Et puis, autrefois, on étudiait la légende des siècles en cinquième et on avait un frisson en écoutant l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Mais c'est vrai. Le mal éternel. Vous avez raison, hein, Mireille Hadas-Lebel, de souligner cette culture très forte qu'il y a eu au 19e siècle, parce qu'il y avait un intérêt, justement, un intérêt pour les contemporains à comprendre ses origines. Ses origines, on parlait de l'Exode comme une rupture majeure dans l'histoire du peuple hébreu et même dans l'écriture de la Bible. Vous expliquez, j'ai trouvé ça drôlement intéressant, que les anges, notamment, sont plutôt des personnages d'une deuxième partie de la Bible, c'est-à-dire après l'exil. On n'en trouve pas tellement avant l'exil. Voilà. Alors, si vous lisez la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq livres qu'on appelle les cinq livres de Moïse, même s'il ne peut pas les avoir écrits, eh bien, vous voyez qu'il y a bien sûr quelques anges, notamment dans une vision. Alors, on peut toujours voir des anges dans une vision, mais que autrement, ces personnages agissent comme des hommes qui se trouvent là providentiellement. Mais c'est au retour de l'exil de Babylone et sans doute avec une certaine influence du zoroastrisme, on ne peut pas savoir, qu'il y a beaucoup de frottements d'ailes dans l'air tout à coup, ce qui n'empêche pas le Dieu unique d'être au-dessus de tout cela. Hein. Et c'est très intéressant. Ce ne sont que des serviteurs, des bons... Michel Langlois. Oui, tout à fait. Ce que dit Myriades Lebel est parfaitement exact. C'est-à-dire qu'en fait, on observe cette propension à donner une place croissante aux anges, à les équiper d'ailes. Et là, on a des parallèles en Mésopotamie, notamment, où on a justement des êtres divins, protecteurs, ailés. Donc, on peut tout à fait trouver les antécédents ici. Et puis, dans les tout premiers textes du judaïsme qui parlent des anges, et notamment le livre d'Enoch, qui nous raconte le récit de la chute des anges et qui nous les décrit, qui nous donne les noms des anges, eh bien, figurez-vous que dans les noms, on a même les noms des chefs des anges, dans ces noms-là, on retrouve les noms de divinités du Proche-Orient ancien. Oui. Et donc, à mon avis, c'est une façon, d'une certaine manière, de reconnaître l'existence de ces divinités, mais à la fois de les rabaisser au rang d'anges, c'est-à-dire ils sont des êtres inférieurs, et surtout des anges déchus, c'est-à-dire ils sont mauvais, il ne faut surtout pas les adorer, un seul est digne d'être adoré, voilà. Yahvé. Mais vous mentionnez le livre d'Enoch, qui est un livre qui est resté très ésotérique, il ne fait pas partie de la Bible. Dans la Bible, telle qu'on l'entend, la Bible canonique hébraïque en tout cas, vous avez des anges dans le livre de Daniel, qu'on date du 2e siècle. Vous vous rendez compte? Et c'est là que pour la première fois on voit quelques noms. Il y a Michael, Gabriel, oui. Et puis alors dans un livre qui ne fait pas partie de la Bible hébraïque, mais qui fait partie de la Bible chrétienne, le livre de Tobie, vous avez Raphaël. Autrement, on en resterait là. Les anges n'auraient pas de nom. Oui, tout à fait. Et ces livres-là, Daniel et Tobit, se basent tous les deux sur des antécédents, notamment le livre d'Enoch, qui est aussi en araméen, comme le livre d'Esdras, le livre de Daniel, comme le livre de Tobit également. On retrouve ces archanges, les quatre archanges, à côté des anges déchus. Donc effectivement, cette angélologie, elle se développe dans certains courants du judaïsme. Exactement. Qui ne sont pas restés majoritaires, qui restent encore actifs, mais peut-être pas au niveau, on va dire, du pouvoir religieux officiel. Alors toujours dans notre quête de comprendre d'où vient le monothéisme, j'entends les différents courants du judaïsme. Ces différents courants du judaïsme, ils existent depuis que le judaïsme existe ? Alors, écoutez, on ne peut pas savoir depuis que le judaïsme existe. Judaïsme, le ismos, c'est un mot grec. Donc, on est en grec, c'est vrai. On vous met tout de suite à une période où le grec est très répandu dans le Proche-Orient. Mais les courants du judaïsme sont bien attestés à partir du 1er siècle avant l'ère chrétienne. Et ça, toujours par un autre historien, Flavius Joseph, qui a couvert non seulement la période à laquelle il a vécu, le 1er siècle, mais aussi les périodes antérieures. Et c'est là qu'il nous parle de trois courants essentiels, sadducéens, pharisiens, esséniens, et puis il en ajoute un quatrième, et puis on s'aperçoit qu'il y a encore des nuances et des divisions, et des... en fait que les gens ne sont pas très très d'accord sur les croyances. Ils peuvent être d'accord sur le culte et sur la pratique, mais sur les croyances, eh bien, il n'y a personne pour leur dire ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Mireille Adas-Lebel, Michael Langlois, on est à la quête des origines du monothéisme, et je comprends bien, en vous écoutant, qu'il y a plusieurs courants autour du judaïsme, mais là, on est vraiment quelques siècles avant Jésus-Christ. Je comprends bien que Moïse est une rupture dans cette histoire, et j'adore l'idée que les anges aient pu être des divinités un peu camouflées avec des ailes, et c'est très bien, mais j'ai envie qu'on aille encore plus loin par le passé, et nous allons y aller en écoutant, là, c'est une relecture très tardive des origines du peuple d'Israël, c'est Ernest Renan, en 1887. Dans ces grands faits complexes des origines, Il est presque toujours impossible de distinguer ce qui tient des dons primitifs de la race et ce que les aventures de l'histoire y ont ajouté. Les causes du monothéisme sémitique ne furent pas simples. Il convient peut-être d'y faire la part des habitudes de la vie nomade plus considérables que celles du sang. D'un côté, en effet, des peuples qui n'ont rien de sémitique, mais qui mènent une vie analogue à celle des sémites nomades, tels que les Kirghizes, les populations actuelles du Haut-Nil blanc, ressemblent beaucoup aux anciens patriarches du désert. De l'autre, les Himyarites et les Assyriens du Second Âge, qui pour la langue au moins sont bien des sémites, n'ont pas ce caractère de puritanisme religieux que présentent les sémites nomades. C'est donc la vie sous la tente qui paraît avoir été le facteur capital de la sélection de cette aristocratie religieuse qui a détruit le paganisme et converti le monde au monothéisme. Les racines de ce grand fait s'enfoncent dans le plus vieux sol de l'histoire. La tente du patriarche sémite a été le point de départ du progrès religieux de l'humanité. Une lecture de l'histoire du peuple d'Israël par Ernest Renan, donc lue par Daniel Königsberg. Nous étions à la fin du 19e siècle, en 1887. C'est une analyse particulière qu'il faut contextualiser. Oui. Hein, Renan, alors, la lecture de la race, oui, etc. J'ai beaucoup fréquenté Renan et je trouve qu'il est bon de le lire avant d'écrire, pour écrire de manière plus élégante et pas pédante. Mais évidemment, il y a des idées qui sont totalement dépassées de nos jours. Par exemple, si vous prenez cette idée que le monothéisme est le fruit de l'imagination, enfin, je sais pas, de l'invention d'un nomade du désert. Pourquoi ? Parce qu'il est au contact du désert, dans la solitude, etc. Mais il se trouve que la réalité nous enseigne que les hommes du désert ont aussi leur divinité. Et qu'ils ont même des foules de divinités. Il peut y avoir un arbre, une pierre, une montagne dans le désert. Et donc, je crois que la théorie est largement dépassée de nos jours. Ça sent son romantisme. En outre, il a l'idée. Alors, il vous dit bien que c'est mythe du point de vue linguistique, parce que normalement, le terme ne doit s'utiliser que pour les langues. Il n'y a pas de race sémite. Mais en même temps, il l'utilise d'une manière plus large pour ces gens qui parlent une langue sémitique et qu'ils voient tous comme des bédouins du désert. Or, il y a la civilisation babylonienne. Et quand on a découvert les tablettes de Babylone, il a dit non, ce ne sont pas des sémites, parce que les sémites ont l'imagination très simple. Ils ne savent inventer qu'une chose simple, le monothéisme. Ils ne peuvent pas avoir beaucoup de divinités, ils ne peuvent pas avoir construit beaucoup des monuments gigantesques, parce qu'ils vivaient sous la tente. Alors, vous voyez, on ne peut pas le suivre de nos jours. On ne peut pas suivre Renan, mais on peut le suivre dans sa quête simplement du monothéisme. Lui, il s'est planté. Mais c'est vrai que quand il évoque la tente, c'est vrai qu'il a en tête, je pense, les patriarches anciens. Mais donc oui, on descend le temps et on a Abraham. Et d'ailleurs, de son temps, on a dit qu'il est représenté comme, de son temps, le dessinateur Bida, qui représentait la Bible, comme les Bédouins du désert. Donc c'était des dessins qui étaient très, très répandus à l'époque. Oui. Mais la figure d'Abraham, parce que là, nous sommes vraiment très longtemps en arrière, nous sommes bien, bien avant Moïse avec Abraham, et nous avons un personnage essentiel de cette histoire. Est-ce qu'avec Abraham, nous sommes déjà dans du monothéisme, tel que le dit la Bible ? Oui, tel que le regarde l'historien. Alors, avec Abraham, nous sommes encore plus haut que Moïse. Et évidemment, on ne peut pas affirmer une réalité historique. Mais ce qui est très important, c'est que justement toute cette première partie de la Bible vise à nous montrer peut-être autre chose qu'on ne comprend pas. C'est comment la constitution d'un peuple spécifique à partir d'un ancêtre commun, d'un ancêtre qui ensuite, il y a des tribus qui lui succèdent. Comment ces tribus, par une expérience exceptionnelle, celle du séjour en Égypte, se constituent en peuple. Comment ce peuple se donne des lois avant même d'avoir une terre, ce qui est important. Et comment, voilà, on aboutit au peuple hébreu. Alors, Abraham est l'hébreu, l'ancêtre. Et c'est l'hébreu, l'ancêtre. Et d'ailleurs, avec Abraham, nous sommes clairement en Mésopotamie. En Mésopotamie. Parce qu'il est né là-bas, né à Ur. Et c'est vrai qu'Abraham véhicule aussi ces images-là. Alors, je dis Abraham, mais on peut étendre ça, parce qu'il y a quelques patriarches. Et puis, il y a la figure de Noé également. Michael Langlois, tout ça nous relie à la Mésopotamie. Oui, tout à fait. Abraham est situé en basse Mésopotamie. Et puis, d'une certaine manière, il embrasse également l'Égypte, puisqu'il y a ce fameux séjour où il va se réfugier, s'installer en Égypte. Enfin, donc, on sent qu'il y a toute cette influence qu'on retrouve dans ce personnage d'Abraham, qui se retrouve chargé de toutes ces traditions. On discutait tout à l'heure en disant on imagine le bédouin sous sa tente. Il ne faut pas oublier que le personnage d'Abraham, dans les textes bibliques bien sûr, est représenté comme extrêmement riche. À un moment donné, il va au secours de son neveu, il a plus de 300 serviteurs, il a la tête d'une petite armée. Donc on est très loin de cette image du brave bédouin dans sa petite tente qui va de droite et de gauche. On a affaire vraiment à des gens qui sont extrêmement bien implantés, qui font du commerce. On connaît beaucoup mieux le Proche-Orient ancien maintenant grâce aux fouilles archéologiques. On voit que les populations, pas simplement de langue sémite, mais de tradition et de culture sémitique, sont en fait beaucoup mieux équipées que ce que Renan voulait bien le dire. La découverte d'Ougarit, par exemple, nous montre qu'on a un carrefour commercial, qu'on a des tas de systèmes d'écriture, de langue, des traditions. Et bien sûr, on a également des traditions religieuses avec des dieux, les dieux qu'on retrouve dans la Bible, des combats, des parallèles avec les textes bibliques. Vous avez raison, le territoire de la Terre promise est minuscule en fait, et il est pris entre deux très grandes civilisations. Et cette histoire d'Abraham nous montre qu'on ne nie pas l'influence de ces grandes civilisations, à ceci près que ce petit peuple a quand même une spécificité, à savoir le monothéisme aniconique, comme disent les savants, sans image, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai envie de vous demander clairement, il n'est pas possible de dire à quel moment il apparaît, ce monothéisme, à quel moment il s'impose, c'est très difficile à dire. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est comment il se construit, comment il s'écrit tout doucement, comment il s'écrit, c'est un peu la spécificité aussi de la démarche de l'historien, c'est d'essayer de voir comment on peut devenir juif, mais il n'y a pas que les hommes qui veulent ça, parfois il y a aussi des chats. Ça suffit, je veux faire ma bar mitzvah, je veux me convertir au judaïsme. Pourquoi ? Si je suis un bon juif, le rabbin acceptera que je fréquente sa fille Zlabia. C'est ma maîtresse, sans elle je ne peux vivre, parce qu'elle est ma joie. Et c'est une belle chose que l'amour. Non, non, non ! Tes motivations pour te convertir au judaïsme ne sont pas bonnes. Ton amour de Dieu n'est pas sincère. Je vous ai jamais parlé d'amour de Dieu, moi. Pour devenir juif, il faut craindre Dieu, se mettre sous sa protection et le chérir. Le juif doit voir en toute chose la présence de Dieu. Penser à Dieu suffit à ensoleiller les plus grises journées. L'amour de Dieu doit être presque charnel. Un extrait du sublime Chat du rabbin de Johann Spahr. Alors, dans cette écriture, en fait, de la Bible, qui s'impose tout doucement, parce que c'est un texte, en fait, qui est rédigé tardivement, enfin, pas tardivement, mais qui est rédigé peu à peu. En plusieurs étapes, bien sûr, oui. Et c'est ces étapes-là qui vont expliquer comment se met en place une lecture particulière du monothéisme. Oui, avec le temps bien sûr, parce que on peut nous situer ça à partir du 1er siècle avant l'ère chrétienne, il commence à y avoir des exégèses, et des exégèses qui se transmettent d'abord oralement, et puis ensuite ça finira par être mis par écrit plusieurs siècles plus tard, quand on craindra de les perdre. Et surtout, au 1er siècle a été perdu le foyer spirituel du judaïsme avec la prise de Jérusalem par les Romains. Ça ne veut pas dire que, comme on le dit souvent, que les Juifs qui étaient des Judéens, n'est-ce pas, Juifs et la déformation du mot judéen, ont été brusquement exilés d'un seul coup, comme on le dit souvent. Non, il y avait déjà des Juifs en diaspora, parce que c'était une religion qui s'était répandue à travers le monde, entre autres par conversion, ce qu'on a l'air d'ignorer aujourd'hui. Là, ensuite, pour donner une unité après la catastrophe qui a beaucoup marqué le peuple, parce que même si tout le monde n'allait pas au temple, bien sûr, puisque il n'y a qu'un temple et que la diaspora est vaste et que la Galilée même est loin de la Judée, eh bien, il a fallu trouver un principe pour réunir, pour rassembler, et un des nouveaux codes et qui constitue une sorte de mode de vie, oui. Mireille Hadas-Lebel, vous rapportez une anecdote, enfin une parabole du Talmud que j'ai trouvé très très drôle. Donc avec Rabbi Akiba, nous sommes à quel moment donc? Nous sommes au début du deuxième siècle de l'ère courante. L'ère courante. Et Rabbi Akiba, donc c'est un sage, on va dire. Oui, c'est un des sages les plus vénérés du Talmud. Et donc dans cette parabole du Talmud, Moïse revient et qu'est-ce qui se passe s'il écoute ce qu'on dit? Moïse se met au fond de la classe, si je peux dire, et il écoute Rabbi Akiva commenter la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse. Il se reconnaît pas du tout, mais pas du tout. Mais au lieu d'être indigné, eh bien, il lui en est reconnaissant. Il va le féliciter parce qu'il a fait vivre la tradition. Vivre la tradition, ouais. Faire évoluer la tradition, elle est étonnante, cette parabole de Moïse qui revient. Oui, ça veut dire qu'on est bien conscient que ce n'est pas tout à fait la même chose, que l'évolution existe. L'évolution existe dans les pratiques et dans les idées, avec des choses qui restent à travers le temps, notamment les 10 commandements que l'on retrouve chez Moïse et étonnamment que l'on retrouve aussi chez Rodolphe Burger. Tu ne tueras pas ni tes camarades, ni tes profs, ni tes voisins. Tu ne tueras pas ni à Srebrenica, ni à Tel Aviv, ni à Jenin, ni à Alep, ni à Atlanta. Tu ne tueras pas parce que Dieu t'attend en buvant sous la treille. Tu ne tueras pas ni pour la loi, ni pour l'État. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, te dire, tu ne tueras pas, c'est tout, rien ni personne. Tu ne tueras pas pour le tiroir caisse de la boulangère. Tu ne tueras pas pour l'adrénaline ou pour le flash. Tu ne tueras pas pour le compte d'un souteneur planqué sous les tropiques. Tu ne tueras pas pour te venger. Tu ne tueras pas ni pour jouir ni pour mourir. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, me dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne. Rodolphe Burger qui chante Rien ni personne dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost avec aujourd'hui à la technique Valentin Bobinet, Michel Langlois. Avec vous, nous allons plus particulièrement parler des manuscrits de la Mer Morte. C'est vrai que simplement l'évocation de manuscrits de la Mer Morte évoque le mystère. Oui, c'est une découverte absolument fabuleuse avec des manuscrits dont on ne soupçonnait pas l'existence et qui ont complètement bouleversé notre connaissance du judaïsme et du christianisme. Et découverte récente en plus en 1947. Hein. C'est ça, à l'hiver 46-47, donc c'est milieu 20e siècle. On est encore en train d'essayer de déchiffrer tout ça et d'essayer de comprendre et de mesurer l'impact que ça a sur nos connaissances de l'histoire et de l'origine du judaïsme notamment. C'est d'ailleurs fascinant. Enfin, je pense que la découverte de ces manuscrits a dû être un bouleversement sans nom parce parce que c'est comme découvrir une bibliothèque. Alors, avant même de savoir ce qu'il y a dedans, l'idée de découvrir une bibliothèque cachée dans des grottes, les manuscrits étaient dans des pots, quoi. Ils étaient... Certains d'entre eux étaient dans des jarres, effectivement. C'est pour ça qu'ils ont été bien préservés. Ils étaient à l'abri des agressions du temps. La plupart d'entre eux, malheureusement, étaient à même le sol et ils se sont bien émiettés. Et c'est pour ça qu'on a du mal, d'ailleurs, à rassembler les pièces du puzzle. C'est un puzzle gigantesque, qui fascine énormément parce qu'il évoque un monde qui est à la source d'une autre, c'est-à-dire que nous sommes entre le monde juif et le monde chrétien, nous sommes avec des gens que l'on ne connaît pas trop et qui fascinent. Encore le désert, sa solitude et son silence. Ici, sur cette terre brûlante où rien ne pousse, des hommes s'étaient retirés afin que rien ne puisse distraire leur méditation. On les nommait les Esséniens. Ils vivaient seuls ou en petite communauté, au pied de ces falaises abruptes, ne trouvant refuge que dans le creux des rochers. À quoi rêvaient-ils ? À un monde meilleur, plus semblable à leur idéal de pureté, plus proche de la parole de Dieu. C'est ici, dans l'une des grottes de Qumran, qu'un bédouin découvrit par hasard des rouleaux de parchemin. On devait les nommer plus tard les manuscrits de la mer morte. Par la suite, on découvrit les ruines d'une sorte de monastère. Un siècle avant l'ère chrétienne, y vivait un groupe d'Esséniens. Vêtus de blanc, observant la règle du célibat et de la vie communautaire, ils attendaient l'arrivée d'un maître de justice, annonciateur d'un messie. Les manuscrits de la mer morte, vus sur la troisième chaîne de la télévision française en 1976. Mais alors, qui sont ces Esséniens pleins de mystères? Et oui, alors, effectivement, cette théorie essénienne, c'est André Dupont-Sommer et Lazare Soukeni qui, très tôt, après la découverte de ces manuscrits et de ce site, ont dit finalement, ceux qui occupaient ce site, qui ont rédigé ces manuscrits, ce sont des Esséniens. Et ce que Mireille Hadas-Lebel disait tout à l'heure, c'est que ces informations sur les Esséniens nous viennent principalement de Flavius Joseph, qui nous dit, voilà, il y a trois grandes branches dans le judaïsme, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Et puis en fait, ce que disait Mireille Hadas-Lebel, c'est qu'on se rend compte que la réalité est un petit peu plus complexe. Il faut préciser, hein, Flavius Joseph est essentiel comme personnage parce que lui-même étant connaisseur de ce monde-là, nous a rapporté beaucoup. Eh bien, il nous a laissé son autobiographie et il nous dit qu'à un moment donné de sa vie, il a fait un stage chez les Esséniens, qu'il a envisagé de s'engager dans cette voie, mais il a dû les trouver trop austères et il fallait passer trop d'obstacles pour être admis dans ceux qui constitue plus ou moins une secte à cette époque. Mais je veux dire que Philon d'Alexandrie, donc qui vit à Alexandrie au début du 1er siècle, qui est antérieur à lui, nous parle aussi des Esséniens comme de quelque chose d'extraordinaire et d'admirable. Et ces extraits sur les Esséniens ont été collectés par les premiers pères de l'Église qui y ont vu là des chrétiens ou des ancêtres du christianisme. Alors Renan a lancé cette phrase célèbre, le christianisme est un essénisme qui a réussi. Depuis, on en revient un peu, mais voilà, et ça a beaucoup influencé les chercheurs au moment de la découverte. Oui, donc on avait des traces de ces gens, de ces Esséniens, à travers des auteurs. On a cité Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, mais oui. Alors la découverte des manuscrits, d'un seul coup, donnait quelque chose de concret. On voyait par les manuscrits des écrits une pensée, et puis il n'y avait pas que des manuscrits, c'est-à-dire il y a aussi un habitat. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça a été un vrai bouleversement dans ce monde-là, Michael Langlois? Oui, oui, c'est-à-dire, en fait, les premiers manuscrits qui ont été découverts, certains d'entre eux décrivaient une vie communautaire. On a dit une secte, bon, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais on voit effectivement des gens un petit peu stricts, c'est ce qu'on entendait dans l'extrait tout à l'heure, avec des gens qui se retirent dans le désert pour se préparer à la venue du Messie, la fin des temps, les choses vont mal, on critique ce qui se passe au temple à Jérusalem. On est à l'époque où le temple n'a pas encore été détruit, et donc il y a toute cette polémique autour du temple. Et on voit comment on accompagne finalement l'évolution du judaïsme. On parlait tout à l'heure de la centralité du temple. En fait, il y a eu une époque aussi où il y avait plusieurs temples. On a des documents à Éléphantine au sud de l'Égypte qui nous racontent qu'il y a un sanctuaire juif là-bas. On a également sur le mont Garizim en Samarie un autre sanctuaire. Et on voit qu'on passe d'une situation où il y a tout un tas de sanctuaires à une situation où on va finalement se centrer sur Jérusalem. Mais en critiquant le pouvoir sur place. Et donc, on a l'impression que ceux qu'on a là, ce sont des gens qui réagissent contre le pouvoir du temple et qui vont développer des traditions qui, peut-être, justement, ont été vues d'un mauvais œil par les autorités religieuses au temple. On parlait tout à l'heure du livre d'Enoch, des anges, les Sadducéens, qui, en principe, ont le pouvoir religieux, disent « Nous, nous n'acceptons que les cinq premiers livres, la Torah, les livres de Moïse, dans lesquels, comme le disait Miridas Lebel, on trouve très peu de dimensions angélologiques, très peu d'anges, alors que d'autres branches du judaïsme, et notamment les Esséniens, nous dit Flavius Joseph, lui encore, lui toujours, nous dit « Les Esséniens s'intéressent beaucoup aux anges, ils connaissent les noms des anges. » Et donc, on voit que, grâce aux manuscrits d'Amer Morte, on accède à une littérature qui nous décrit tout un pan du judaïsme qui a été un petit peu mis de côté, marginalisé, après la destruction du temple et au moment de l'essor du judaïsme, on pourrait dire rabbinique, celui qu'on connaît aujourd'hui, le judaïsme de la Mishnah, du Talmud. Grâce aux manuscrits d'Amer Morte, on a comme ça cette image, cette photographie du judaïsme avant celui des rabbins. Et un judaïsme plus complexe, hein, vous l'avez évoqué l'un et l'autre, mais il y a plusieurs courants de pensée. Et dans ces courants de pensée, il y a un élément qui est complexe, c'est celui du mal. Parce que si Dieu a tout créé, pourquoi a-t-il créé le mal ? Mireille Hadass Lebel, c'est au centre de la question. Écoutez, ça. Quelle est l'origine du mal ? Si vous relisez la littérature biblique canonique, eh bien vous voyez que c'est quelque chose qui est constant. On recherche la justice. Alors, est-ce que Dieu est juste ? Est-ce qu'il peut avoir créé le mal ? D'où vient le mauvais penchant de l'homme ? C'est incompréhensible si Dieu a créé l'homme. Donc, on est devant un problème quasiment insoluble. Alors, c'est le livre d'Enoch, justement. C'est dans ces livres apocryphes qu'on a cherché des explications et qu'on a inventé la chute des anges. Hein ? Mais ça reste un problème constant. Et là, vous avez le livre de Job qui l'illustre à merveille. Job est parfaitement innocent de tout. Et voilà qu'il lui arrive tous les malheurs possibles et imaginables. Et voilà que ses amis viennent le voir et ils essaient de le consoler. Mais comment le console-t-il ? En lui disant, écoute, pour être dans l'état où tu es, il faut que tu aies vraiment fait quelque chose de mal. Ben, là, il se révolte. Et la révolte est dans le texte, dans un texte canonique. Et à ce moment-là, il entend la voix de Dieu qui est un dieu cosmique et qui lui fait comprendre qu'il est une toute petite chose dans le cosmos. Oui, c'est très intéressant justement dans le livre de Job, on voit cet encadrement, c'est-à-dire qu'il y a ce serviteur souffrant, on ne sait pas pourquoi il souffre, il l'interroge, il appelle Dieu ne répond pas. Et donc forcément, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y a un problème, s'il n'y a qu'un seul Dieu, s'il n'y a qu'un seul être divin, il est responsable de tout. Donc, y compris du mal. Et donc, dans le livre de Job, on a l'impression que Dieu est responsable du mal qui arrive à Job. Et puis, en fait, il y a des chapitres d'encadrement qui sont probablement postérieurs, qui mettent en scène un conseil, une sorte de conseil divin, où là, Satan arrive et dit, mais regarde, ton serviteur Job, il te sert simplement parce que tout va bien, mais s'il lui arrivait des malheurs, il serait beaucoup moins fidèle. Et là, Dieu autorise Satan à assujettir Job, à lui infliger tout un tas de maux. Et donc, on voit d'un seul coup apparaître un être divin maléfique. Et c'est effectivement ce que disait Mireille Hadass Lebel tout à l'heure, c'est-à-dire que les anges, et notamment les anges déchus, sont un moyen bien pratique d'expliquer le mal dans un cadre monothéiste. Parce que sinon, l'autre alternative, c'est ce que dit le prophète Isaïe dans la Bible hébraïque elle-même, chapitre 45. Qui crée le mal. Exactement, chapitre 45, verset 7, il dit, voilà, c'est moi qui fais toute chose, c'est-à-dire, je fais le bien, je suis créateur du mal. Et donc, si Yahvé est le seul Dieu de l'univers, forcément, il a créé le mal. Et ça, si on n'accepte pas cette solution, alors on fait intervenir des anges déchus. Alors, créer le mal, c'est interprété quelquefois comme créer le châtiment parce que l'homme est libre, etc. N'empêche que l'homme a un penchant vers le mal. Et je voudrais revenir sur la figure de Satan parce que c'est un personnage presque insignifiant dans le livre de Job encore et dans la Bible en général. C'est un mauvais conseiller, hein, un conseiller un peu vicieux comme ça. Mais ce n'est pas encore le prince des ténèbres, le prince du mal. Il va acquérir petit à petit ce statut à mesure que, en même temps que l'angélologie, se développe la démonologie. Parce que je soupçonne les Esséniens qui connaissaient le nom des anges de connaître peut-être aussi le nom des démons, ce que Joseph ne nous dit pas, et de les faire lutter l'un contre l'autre. Oui, tout à fait. On les a d'ailleurs dans les manuscrits de la Mer Morte. On a les noms des anges déchus et on a aussi les noms de leur progéniture, c'est-à-dire les démons. Et on en a plusieurs. C'est génial de vous écouter parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une réflexion qui évolue. En tout cas, s'il y a des choses sur le temps long et notamment ce problème du mal, si Dieu a tout créé, créé, a-t-il créé le mal? S'il y a ces réflexions sur le temps Lyon, il a aussi la contextualisation. C'est lié au moment, et c'est le cas des manuscrits de la Mer Morte, c'est-à-dire c'est lié à un moment particulier, lié à l'occupation romaine, notamment. Oui, oui, tout à fait. Alors, cela dit, les manuscrits de la Mer Morte datent d'avant l'occupation romaine. La plupart d'entre eux, c'est des œuvres littéraires qui datent, on va dire, du retour de l'exil à Babylone. On va dire, ça, c'est le moment, ce que disait tout à l'heure Mireille Dasselbel, c'est un moment de rupture dans l'histoire de la religion israélite et du judaïsme. Et on voit se développer toutes ces branches du judaïsme à l'époque hellénistique, à l'époque romaine en particulier. Les choses se précipitent parce que ça sent le roussi. C'est-à-dire il y a toutes ces révoltes des judéens contre les romains, ces guerres et ces personnages messianiques. Oui. Mais lorsque les romains apparaissent à l'horizon, les Esséniens, si c'est bien eux qui ont écrit les manuscrits de la Mer Morte, les mentionnent parce qu'ils réinterprètent les textes prophétiques beaucoup plus anciens concernant les Chaldéens comme s'appliquant aux Romains. Ils pensent que toutes ces prophéties ont un écho de leur temps. Et ils appellent Kittim, ils donnent un nom de code aux Romains, mais il est clair que c'est d'eux qu'il s'agit. Alors moi, je peux être prophète en vous disant que dans quelques minutes, nous allons entendre la voix d'Anaïs Quien qui vient pour son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour. Alors, à tous. Aujourd'hui Anaïs, on parle de la guerre froide grâce à un documentaire diffusé ce soir, Rendez-vous avec Mikhail Gorbatchev. C'est de Werner Herzog et d'André Singer. Exactement, je me suis dit que vous alliez dire Singer. Non, j'aurais pu, j'aurais bien aimé. Singer. Oui, donc Werner Herzog, ce célèbre réalisateur de Aguirre, La colère de Dieu, aime les tournages compliqués, les lieux inaccessibles et les personnages flamboyants. Cette fois-ci, c'est Mikhail Gorbatchev qui l'a filmé sur une période de 6 mois, tout d'abord parce qu'il nourrit une immense gratitude envers le dernier président d'Union soviétique. Je pense que l'écrasante majorité des Allemands vous êtes infiniment reconnaissante du rôle extraordinaire que vous avez joué dans la réunification de l'Allemagne. Mais au-delà de la reconnaissance que nous vous témoignons, Monsieur le Président, nous vous aimons. Et moi en particulier, je vous aime parce que la réunification comptait beaucoup pour moi. Herzog témoigne de la grande popularité de Gorbatchev à l'Ouest et ne cherche à aucun moment à en faire un portrait critique. C'est d'ailleurs un regard occidental sur ses actions qui nous est proposé. Rien ne sera dit sur la mémoire sombre de son mandat en Russie, où il est fréquemment taxé de traîtrise. À son arrivée au pouvoir en 1985, Mikhail Gorbatchev donne un souffle nouveau à la diplomatie internationale et rétablit le dialogue avec le bloc occidental à un moment critique de la guerre froide. Juste avant son arrivée au pouvoir, l'armée rouge envahit l'Afghanistan et se lance dans un conflit meurtrier qui durera près de 10 ans, condamné par les Nations Unies. L'Union soviétique connaît aussi une série morbide à sa tête. Herzog s'amuse à nous raconter la succession des cortèges funèbres d'une année à l'autre, cortèges funèbres des dirigeants du bloc de l'Est qui ne tiennent pas plus d'une année en poste après le règne d'un Léonid Brejnev devenu sénile. D'abord Youri Andropov, le mentor de Gorbatchev, puis Constantin Tchernienko, déjà à un stade avancé de maladie lorsqu'il prend la relève. Gorbatchev impose des réformes avec la perestroïka et tente d'amener le communisme à une mutation de sa culture politique en appliquant la transparence politique, la glasnost. Perestroïka et glasnost, ces mots fétiches de la fin de la guerre froide. Il séduit Margaret Thatcher et Ronald Reagan, avec lequel il parvient à une avancée inédite dans le désarmement mondial après le sommet de Reykjavik en 1986. Celui que l'on surnomme Gorbi outre-Atlantique prône un rapprochement de la Russie avec l'Union européenne. Mais c'est la dimension tragique du personnage de Gorbatchev qui intéresse Werner Herzog. Si Gorbatchev tente d'inventer une voie vers la démocratisation du communisme soviétique, il ne parvient pas au bout de la mission qu'il s'est donnée. En 1991, c'est Boris Yeltsin qui fait figure de héros et de sauveur après la tentative de putsch ratée d'août 1991. Et pourquoi n'avez-vous rien fait ? À l'époque, je me suis tapé la tête contre les murs. Parce que les hommes politiques comme Yeltsin plaisent. Ce sont des incendiaires. Gorbatchev est désormais chef d'une structure politique gigantesque qui a cessé d'exister. Contraint à la démission, il devient un spectateur amer du démantèlement de l'Union soviétique. Dans les mois qui suivent, une amertume qui ne l'a pas quitté. Lorsque Werner Herzog l'interroge sur la résurgence d'un climat de guerre froide aujourd'hui, il ne fait que déplorer le choix de mauvais politiques à la tête des grandes puissances actuelles. Rendez-vous avec Gorbatchev sera diffusé ce soir sur Arte, puis disponible sur la plateforme de replay, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve tous les liens et les informations complémentaires sur la page du Journal de l'Histoire sur franceculture.fr. Michel Langlois, je voulais vous poser une question à propos des manuscrits de la Mer Morte. Ils ont encore des choses à nous dévoiler? Il va y avoir des surprises? Oui, oui, il va y avoir encore des surprises parce que d'une part, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers même de petits fragments qu'on n'a pas encore réussi à déchiffrer. Et donc, on a des nouvelles technologies qui nous permettent de tirer un petit peu plus d'informations de ces fragments. Et puis, il n'est pas impossible non plus que de nouveaux manuscrits soient découverts dans ce désert immense avec ces grottes innombrables. D'ailleurs, il y a eu quelques fragments qui ont fait surface ces dernières années. Malheureusement, ce sont apparemment des contrefaçons. Donc, il faut se méfier. Beaucoup de secrets à révéler, mais pas n'importe lesquels non plus. Dès qu'il y a secret et religion, il y a un peu contestation. Vous, Mireille Hadas-Lebel, pour travailler sur la religion avec un regard d'historien et en remettant parfois en cause des questionnements, des petits soucis, on vous embête parfois ou c'est complètement fluide? Il n'y a aucun problème. Vous apportez une démarche scientifique, donc normalement il n'y aurait pas de problème. Mais parfois avec la religion, ça peut être compliqué. Oui, mais enfin, je n'ai pas l'impression d'être une cible en particulier. De toute façon, l'histoire des religions vous oblige à prendre vos distances, hein, à mettre votre foi, si vous en avez une, au vestiaire, et voilà, à regarder les textes tels qu'ils se présentent. Voilà, il est important de dire ça, c'est-à-dire qu'il n'a rien de blasphématoire à étudier la religion, mais c'est vrai que c'est la remettre en cause en étudiant son aspect historique. Vous, Michel Langlois, donc vous travaillez à Jérusalem, vous êtes physiquement basé pour le CNRS à Jérusalem. Ce sont des questions là-bas aussi qui se posent beaucoup. Oui, c'est-à-dire, évidemment, la religion occupe une place très importante dans la société israélienne contemporaine. Les découvertes archéologiques en lien avec la religion sont souvent instrumentalisées de part et d'autre. Donc, on a un petit peu de mal et je suis toujours obligé un petit peu de calmer le jeu en disant écoutez, je fais mon travail, on fait de l'archéologie, on découvre des manuscrits, on les étudie, mais s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail sans avoir de pression de la part des communautés religieuses ou même des politiques. Oui, parce que ces communautés, je mets de côté les politiques, mais ces communautés s'inscrivent également dans tout ce que l'on dit depuis le début de cette émission à la recherche des monothéismes. Donc, on va pas donner une date précise pour l'invention du monothéisme parce que il n'y en a pas, et ce n'est pas utile. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un élément qui s'est construit peu à peu. Merci beaucoup à vous deux, Mireille, Hadas-Lebel. Donc, vous, c'est Hérode, hein, chez Fayard, voilà, que l'on peut lire. Merci beaucoup, Michel Langlois. Et vous repartez à Jérusalem, là? Oui, tout à fait. Merci d'être venu. C'était Le Cours de l'Histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès et Camille André. Des émissions qui peuvent être réécoutées sur le site franceculture.fr, Le Cours de l'Histoire, ou bien en podcast. Demain, l'invention de l'Église. Et là, on peut parler d'invention, vu qu'il est question de l'institution de l'Église, mais tout en sachant qu'une religion est perpétuellement réinventée. Et puis, nous irons voir comment l'Église s'est diffusée avec un œil particulier, celui des missionnaires.